Jeune vierge, l'amour est un concept louche. Jeune vierge, qui te donne l'eau à la bouche. Jeune vierge, tu colles tes fesses au transistor. Jeune vierge, ce jeune garçon te résiste. Oh, jeune vierge, c'est de vos verges dont il ressort. Jeune vierge, oh oh oh oh oh. Jeune vierge, oh oh oh oh oh. Jeune vierge, oh oh oh. Jeune vierge, oh oh oh. Jeune vierge. Jaune vieille, ta peau flétrie sur ton corps lent. Jaune vieille, les occasions tombent comme tes dents. Jaune vieille, tu ne crois plus au prince charmant. Jaune vieille, la résilience à 100%. Jaune vieille, oublie tout ça et pars maintenant. Jaune vieille, oh oh oh oh oh. Jaune vieille, oh oh oh oh oh. Jaune vieille, oh oh oh. Jaune vieille, oh oh oh. Jaune vieille. Geneviève, toi tu es en dehors de ça. Geneviève, ton corps si doux entre mes draps. Geneviève, des sourires merde j'en ai déjà vu. Geneviève, m'aider comme ça j'y croyais plus. Geneviève, sauve-moi avant que l'alcool me tue. Jeune vierge, oh oh oh oh oh. Jeune vierge, oh oh oh oh oh. Jeune vierge, oh oh oh. Jeune vierge, oh oh oh. Jeune vierge. Geneviève.